vacarme en nouvelle diffusion. Très bon après-midi à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. L'exposition conçue pour le peuple suisse. Les questions brûlantes, c'est jamais le moment de les poser, pour certains. Cette semaine, l'Expo 64. On ne demande pas de renoncer à la liberté, on nous demande de se conformer. D'une ouverture d'esprit à une fermeture de principe. Qu'est-ce que c'est qu'un Suisse ? L'amnésie d'un géant nommé Gulliver. Peut-être que Gulliver est l'emmerdeur parce qu'il est trop grand dans un pays où tout le monde se révèle petit, mais enfin, il fait peur. Monter une exposition, c'est forcément s'exposer. Occasion pour Histoire vivante de revenir cette semaine à des remous datant d'il y a une quarantaine d'années, cela, lors de l'Expo 64, en confiant à Charles Apotello, directeur à l'époque du Théâtre des Faunées à Lausanne, une mission culturelle au sein de la grande manifestation. Les organisateurs n'imaginaient sans doute pas mettre les doigts dans une affaire qui allait faire quelque foin. Et pourtant, c'est bien ce qui allait se passer. Nous allons donc cette semaine remuer un petit peu le couteau dans la plaie, revisiter cette Expo 64 et surtout rouvrir cette hypothèse de travail sur le conformisme suisse, hypothèse au cœur du questionnaire Gulliver mis au point par Charles Apotello et ses collègues. Questionnaire auquel 10% du pays va répondre, 580 000 personnes, un outil exceptionnel sur le plan sociologique et qui va ni plus ni moins être censuré avant que, par le mystère de la conservation des archives, un journaliste de la télévision suisse romande, Gaspard Lamunière, et un réalisateur, Bertrand Tebet, n'aillent exhumer à quelques milliers de kilomètres de là, aux États-Unis, une grande partie de cette enquête conservée précieusement sur microfilm. Malheureusement, à ce jour, aucun centime n'a pu être déniché pour travailler sur ces archives exhumées. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous y intéresser à Histoire vivante. Après tout, ce qui n'est pas fait reste toujours à faire. Est-on un bon Suisse quand on se lève à 9h du matin ? Cette question a-t-elle seulement encore un sens aujourd'hui ? Et à quoi donc ressemble l'Homo Helveticus de ce nouveau millénaire ? Chapitre 1. Premier tableau d'une exposition. Nous sommes donc aujourd'hui en 1964 et en cette année-là, voici ce qu'on pouvait entendre. L'Expo 64 prend forme. Un peu partout dans notre pays, des ateliers travaillent d'arrache-pied à préfabriquer ces divers secteurs. Ici, celui intitulé « Éduquer et créer ». Il s'agit en fait d'un demi-secteur qui, au sein de l'exposition nationale, formera avec celui de la joie de vivre, l'art de vivre. Les pavillons du secteur La Terre et la Forêt se composent de cellules de 12 mètres de côté, les façades et les toitures étant en toile tendue. Monsieur Zweifel, l'architecte dont le nom en français signifie « doute », est convaincu qu'en groupant 120 éléments semblables, on peut improviser librement la structure complète du secteur. Pour celui des échanges, une technique nouvelle est employée. Il s'agit d'un assemblage original de parapluies en matière plastique moulée. Chaque élément est un carré de 9 mètres et l'épaisseur de la matière plastique n'est que de 3 mm, ce qui permettra des effets d'éclairage remarquables. 24 parapluies formeront le toit d'une halle d'environ 2000 mètres carrés. « 1964, l'heure est à la déférence, l'heure est au tapis rouge. Mesdames et messieurs, bonsoir, au micro Antoine Lévy. Nous avons vécu, voyez-vous, en ce jeudi 30 avril, une journée mémorable pour nous tous lausannois, pour nous tous des cantons romands. 1964, journée officielle de l'exposition nationale. Journée mémorable, oui, car en fait, ce n'est pas tant seulement Lausanne, mais toute la Suisse romande qui, après Berne en 1914 et Zurich en 1939, organisait, par le truchement du canton de Vaud, cette magnifique. Et nous l'avons vue ce matin, et nous pouvons le dire, elle est magnifique, notre Expo 64. Photographie sonore et ambiance de cette Expo 64, le jour même de son ouverture, nous sommes le 30 avril 64, à commencer par le président de l'exposition, Gabriel Desplans. C'est un reportage de Bernard Nicot. Eh bien, mon sentiment intime, bien entendu, c'est celui de la reconnaissance à l'égard de tous mes collaborateurs, de près ou de loin, qui ont travaillé pendant 8 ans pour que nous puissions enfin arriver à cette journée du 30 avril. Et je suis heureux de constater que vous parliez de mon haut de forme que je suis en train d'essuyer. C'est pour enlever les dernières gouttes de pluie qui sont tombées encore cette nuit. Mais heureusement, maintenant, nous avons le soleil, ce qui fait que nous pourrons offrir l'exposition nationale aujourd'hui aux autorités du pays et au public dans un temps magnifique que j'espère nous aurons toute la journée. J'en suis persuadé, je vous remercie. Vous avez d'autres choses à faire, je vous laisse, monsieur le président. Merci. Au plaisir et merci encore. Et monsieur Jossi, voilà. Oui, monsieur Jossi, qui est directeur de l'Office du tourisme de Montreux et qui sort de la Rose d'Or de Montreux. La Rose d'Or de Montreux qui a connu, vous le savez, le succès qu'elle méritait. Monsieur Jossi, vous êtes content d'être à Lausanne aujourd'hui après Montreux et la Rose d'Or? Eh bien oui, après 2-3 jours de détente, je viens voir la réussite de l'exposition nationale. Tout le monde nous dit que c'est magnifique. Je suis venu un peu avant l'heure, précisément pour pouvoir avoir un petit coup d'œil, disons, privé, dans des domaines qui m'intéressent particulièrement, ceux de l'organisation, mais le premier coup d'œil est révélateur, tout semble parfaitement prêt, je suis heureux du succès de l'exposition. À l'expo, 150 haut-parleurs montés sur 50 colonnes, disséminés un peu partout, diffuseront des informations au public. Pour cela, un ingénieur zurichois a conçu et construit la plus importante installation d'amplification de notre pays selon des méthodes inédites. Les appareils sont soumis à des essais où toutes les gammes de la tonalité de la voix sont mises à contribution. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en est de même de l'indicatif de l'expo qui retentira lorsqu'un enfant se sera perdu. L'appel devra parvenir clairement et distinctement aux oreilles des parents. Ah, eh bien oui, Antoine Livio qui est à mes côtés m'amène aussi, monsieur Rouxtoul, on les prend par le bras. Ça n'est pas un piège, monsieur Rouxtoul. Oh, certainement, monsieur Nico. Enfin, on aimerait aussi avoir votre sentiment ce matin, avant que les officiels arrivent, comme ça vous pouvez être plus quelques intime. Quelques minutes avant l'ouverture. Plus confidentiel, ça. Oui. Pour avoir, pour vous exprimer combien on partage les appréhensions de l'acteur, le trac de la grande première, n'est-ce pas? Mais pourtant, vous avez des appréhensions encore, malgré le soleil, alors que vous savez, que vous l'avez toujours su, que tout était prêt. Tant que le succès du public ne sera pas pleinement assuré, nous aurons encore des craintes. Certes, nous avons déjà les premiers signes de succès, la réaction de la presse a été très favorable, en Suisse alémanique également, mais une exposition vit aussi du public. Ce n'est pas une œuvre qui n'a que les éléments d'exposition. Le public participe directement à l'exposition. Les spectateurs sont aussi nécessaires que les éléments d'exposition. C'est pour cela qu'on pourra vraiment dire si elle a le succès ou pas que dans quelques semaines. Oui, le public participe en effet à cette exposition, mais c'est justement cette participation qui va être à l'origine du scandale de l'Expo 64. Parmi tous les pavillons qui fleurissent, il en est un, appelé Un jour en Suisse. Peu avant, le comité chargé de préparer l'Expo a fait appel à Apotello afin qu'il concocte un programme culturel un peu original et sortant de l'ordinaire. La proposition d'Apotello dépasse ô combien ses souhaits émis, mais avec le questionnaire Gulliver, le concepteur et ses acolytes mettent le pied dans un engrenage redoutable. Les faux frères. Présents à Expo 64, ils interprètent Oh Oui, dès ce premier 45 tours. on va très vite ressentir chez Gaston Schaeffer et Jean-Pierre Skavronski le vif intérêt qu'ils portent aux Everly Brothers. Par cet attrait des harmonies vocales, ce collage de précision, souvent au quart de note, de deux voix qui se fondent à l'unisson. Oh oui, je l'aime tant. Oh oui, depuis longtemps. Oh non, elle ne sait pas ce qu'elle représente pour moi. Je l'ai regardée dans ses yeux doux, et l'amour m'a jeté son pouvoir fou. Oh oui, elle m'a souri. Oh, oh, oh, elle m'a dit oui. Oh, oh oui, tout est gagné. Mon rêve s'est réalisé. Toute ma joie est retombée, trompant tous mes espoirs, elle m'a quitté. Oh, oh, oh oui, tout est perdu. Oh, oh oui, je suis battu. Oh, oh oui, c'est bien pour moi que l'amour étale ce jeu-là. Oh, oh, mais je n'oublie pas. Oh, oh, que des filles sont là. Chapitre 2. Retour sur une expo 60s. En 1964, la Suisse est en pleine effervescence. Les projets, les idées fusent dans tous les sens depuis de nombreux mois, car c'est l'année de l'expo. Tinguely, Picard sont de la partie et, même si la machine de l'un et de l'autre sont à des degrés divers objets de contestation, après tout, c'est un peu de gaieté dans le paysage qui, en ces années 60, n'en présente pas si souvent. Cette expo 64, Jean-Claude Ferrier nous le rappelle dans un article de la Tribune de Genève, quand arrive la veille de l'ouverture, se prépare quelque peu dans la panique. Beaucoup d'entreprises ont accumulé les retards. Du coup, ce sont les copains qui, au dernier moment, viennent donner le coup de main. Il y a des centaines de plaques d'immatriculation de voitures qu'il fallait pendre au plafond, des photos à fixer au mur, une immense maquette murale avec notre futur réseau autoroutier à dresser contre une paroi, sans compter des travaux de peinture, des bricolages. Le 14 mai, jour de l'inauguration, il restait encore beaucoup à faire. Mais qu'importe, qu'importe, l'enthousiasme est là. Le Zurichois Hans Falk est le créateur des 7 affiches qui sont destinées à annoncer dans notre pays l'exposition nationale de 1964. Un concours avait été ouvert aux artistes suisses qui devaient illustrer les 7 thèmes du programme de l'expo. Sur 685 envois, 15 projets furent retenus. Ceux du lauréat Hans Falk correspondaient exactement au but proposé. Un autre artiste zurichois, Franz Fessler, a été chargé d'exécuter les affiches destinées à l'étranger. Les éléments stylisés de l'exposition ont été mélangés afin d'être photographiés pour réaliser un compromis entre l'art figuratif et l'art abstrait. Diverses combinaisons ont dû être effectuées avant d'en arriver au projet définitif. La disposition du texte en 7 langues a constitué une part importante du travail du graphiste. Le jury et les dirigeants de l'Expo 64 sont conscients du fait que le choix de telles affiches comporte des risques. Ils ont voulu éviter la facilité des thèmes patriotiques, car cette exposition de 1964 doit plaire aux visiteurs en dehors de tout conformisme. Plaire en dehors de tout conformisme. Voilà bien tout l'enjeu pour les organisateurs de cette Expo 64. Ainsi, parmi les pavillons, il en est donc un que Charles Apotello et ses collègues ont baptisé « Un jour en Suisse ». Au programme, ils ont mis au point un questionnaire sur la citoyenneté en Suisse dont les réponses promettent d'être analysées en temps réel par un ordinateur redoutablement puissant pour l'époque. La règle du jeu est simple. Un questionnaire à remplir, rouge, vert ou blanc, suivant que vous parliez français, allemand ou italien, et 40 réponses à apporter sur l'école, la politique internationale, la démocratie, le mariage, la condition de la femme, les différences sociales, etc. Mais avec des questions du style « Peut-on être un bon Suisse et se lever à 9h du matin ?» une certaine inquiétude gagne le camp des autorités. Et l'on demande à Charles Apotello de réviser sa copie, en clair, de changer ses questions. Le conformisme. Tiens, encore un mot que l'on retrouve dans le titre du documentaire que Jean-Pierre Goretta et Jean-Jacques Lagrange réalisent en cette année 1964 pour le magazine Continent sans visa. Quel est le but d'un sondage d'opinion publique comme celui que nous propose Un jour en Suisse ? Eh bien, faire du visiteur de l'exposition autre chose qu'un spectateur passif. En faire un participant qui puisse s'exprimer, donner son avis sur des problèmes actuels, nos problèmes, avis qui devrait permettre de dégager des tendances générales. Ces tendances générales, malheureusement, on ne les connaîtra pas dans tous les domaines, puisque le délégué du Conseil fédéral a jugé certaines questions peu recommandables. Charles Apotellose, vous êtes l'initiateur de Un jour en Suisse. Cette pression, ces précautions autour du questionnaire, vous appelez ça comment ? Atteinte à nos libertés ou conformisme ? Je l'appellerais plutôt conformisme, parce que, en fait, n'est-ce pas, on ne demande pas de renoncer à la liberté, on nous demande de se conformer, n'est-ce pas, et que notre liberté soit celle du conformisme. Et je crois que c'est finalement plus grave. Je préférerais pour ma part qu'on attaque directement la liberté d'expression, le pays d'opinion, de telle manière que ça crée précisément une lutte sur le terrain politique et que nous puissions défendre la liberté d'expression ou d'opinion. Actuellement, ce n'est, je crois, pas le cas. Il semble que nous ayons une liberté, mais finalement, nous nous conformons beaucoup trop. Et à mon avis, il n'y a plus de vrai débat sur le plan public. Pascal, alias le Petit Prince au début des années 60, est le protégé de Claude François qui a contribué au lancement de sa carrière. C'est bien joli d'être copain est une chanson écrite en 1963 par Jacques Revaux, dont la réputation n'est plus à faire, puisque, parmi ses succès, figurent, comme d'habitude, La maladie d'amour et J'ai oublié de vivre. C'est bien joli d'être copain. En cette année 1964, 8 journalistes suisses-allemands rédigent une plaquette intitulée « Expo 64, images trompeuses de la Suisse ». Le titre ne cache rien de ses intentions. Interview de deux des collaborateurs qui ont participé à la rédaction de l'ouvrage. C'est un livre politique. C'est un livre qui veut démontrer ce que l'exposition nationale ne dit pas et qui veut mettre le doigt sur les questions principales politiques de la Suisse. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'une exposition de faire du masochisme, enfin, non, de faire son autocritique? Non, évidemment, non. Mais je trouve que c'est le rôle d'une exposition nationale de poser des problèmes et de provoquer une discussion. En somme, des problèmes qui sont actuels, la neutralité, l'intégration européenne, le communisme, c'est les problèmes de notre temps et sûrement aussi de notre avenir. Et je trouvais que c'était, entre nous tous, on trouvait que c'était le devoir de l'exposition de poser le problème, de provoquer une discussion. Maintenant, elle a provoqué une discussion en ne disant rien. Vous pensez que ça aurait été mieux si ça avait été fait en Suisse allemand? Je pense que ça aurait été pire. L'intégration européenne, la neutralité, deux questions déjà en pointe dans cette Suisse de 1964. Pour M. Rittmann, l'un des 8 journalistes ayant travaillé sur cette plaquette, la neutralité tient plus du tabou que d'autre chose. Bien sûr qu'elle est une notion taboue, parce qu'en parlant de neutralité, on parle toujours de l'a priori de la neutralité, c'est-à-dire on part du fait que la neutralité existe et on ne se demande pas s'il y a possibilité d'avoir une autre politique. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il faudrait renoncer à cette neutralité ou la... Je ne dirais pas qu'il faut renoncer à la neutralité, mais ce que je prétends est d'y penser, d'en parler et d'en parler ouvertement sans blâmer les gens qui veulent en parler, qui veulent en discuter, qui veulent modifier la neutralité sans blâmer ces gens. Il faut bien reconnaître que la neutralité, jusqu'à maintenant, ne nous a pas si mal réussi, non? Bien sûr, je suis bien d'accord. Seulement, on oublie que l'Europe de 1914 ou l'Europe de 1939 n'est plus la même Europe que l'Europe de 1964. On appartient, comme je l'ai déjà dit, à l'Occident, à l'Europe occidentale, et je ne vois pas de solidarité dans notre attitude politique, puisqu'elle se borne à sauvegarder la Suisse tout à fait comme elle est, sans se demander ce que l'Europe pourrait demander de nous, de vraie solidarité, de solidarité politique, et pas seulement de solidarité de slogan. Les 8 journalistes suisses-alémaniques qui, en 1964, interrogent la Suisse sur ses tabous, ne sont pas loin s'en faut les seuls à s'interroger. Un homme livre sa réflexion sur le fédéralisme, toujours au micro de Jean-Pierre Goretta. Je voudrais substituer à cette notion du tabou une notion tout à fait différente, qui est celle du confort intellectuel. Il y a énormément de gens dans ce pays, et même chez les hommes politiques, qui trouvent extrêmement commode à toutes les fois que l'on parle d'un problème de politique étrangère, de la situation de la Suisse dans le monde, de la situation de la Suisse en Europe, qui disent neutralité. Cette neutralité est intangible, elle doit rester ce qu'elle est. On peut peut-être accommoder quelque peu la pratique de la neutralité, mais le principe doit rester tel que nous l'avons toujours connu. Ça, c'est du confort intellectuel parce que on se dit qu'il est beaucoup plus commode, beaucoup plus confortable, exactement, de ne pas penser, de ne pas réfléchir, de ne pas arriver éventuellement à de nouvelles conclusions. Et ce confort intellectuel est extrêmement dangereux, car on risque de passer à côté de la vérité, et secondement, on risque de passer à côté des événements au moment où ils se produiront et où nous devrons choisir et nous engager. Et alors, on risque de passer à côté d'occasions importantes parce qu'on ne sera pas préparé intellectuellement à assumer ce qui se passera dans l'avenir. L'avenir, quant à lui, va se révéler plutôt sombre pour Charles Apotello, car il a sur sa route un certain conseiller, Hans-Georg Liger. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Josette Suyot et Blaise Dupaquier. Programmation musicale, Laurent Pavia. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, harbor skies above, I'm searching for my love, searching for my love. Proposé par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.